بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha Mim. La révélation de l'Écriture provient de Dieu, le puissant, l'omniscient. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le généreux. Nul Dieu autre que lui, et c'est vers lui que tout retournera. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. Seuls les mécréants discutent les signes de Dieu. Alors ne laisse point leurs allées et venues dans le pays te tromper, ô Mohammed. Avant eux, le peuple de Noé et les coalisés ont rejeté leurs messagers. Et chaque communauté a conçu le dessein de s'emparer de son messager. Ils usaient de faux arguments, croyant ainsi réfuter la vérité. C'est alors que je les ai saisis, et combien terrible fut ma punition. C'est ainsi que s'est accomplie la parole de ton Seigneur contre les mécréants, à savoir qu'ils seraient tous des habitants du feu. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Les anges qui portent le trône et tous ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient en disant: Notre Seigneur, tu embrasses tout de ta miséricorde et de ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ta voie. Écarte d'eux le châtiment de l'enfer. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ. Notre Seigneur, fais-les entrer dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, en compagnie de leurs ancêtres, de leurs épouses et de leurs descendants qui auront fait le bien. C'est toi le Tout-Puissant et le Sage. Préserve-les, Seigneur, des mauvaises actions. Et quiconque tu préserveras des mauvaises actions ce jour-là, tu lui auras vraiment fait miséricorde. Et c'est là l'énorme succès. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Certes, ce jour-là, à ceux qui n'auront pas cru, on proclamera « L'aversion de Dieu envers vous est bien plus grande que celle que vous avez eue envers vous-même. » Lorsque invités à croire, vous avez rejeté la foi. Ils diront, Notre Seigneur, tu nous as fait mourir deux fois, nous reconnaissons nos péchés. N'y a-t-il pas pour nous une issue? Mais il leur sera dit, Il en est ainsi car lorsque Dieu était invoqué seul, sans associés, vous ne croyez pas. Mais lorsqu'on lui donnait des associés, vous croyez aussitôt. Le commandement appartient à Dieu, le sublime, le très grand. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. C'est lui qui vous montre ses signes et qui vous fait descendre du ciel votre subsistance. Mais seul prête attention celui qui, plein de repentir, se tourne vers Dieu. Alors, ô croyants, priez Dieu en lui vouant un culte exclusif, quelque aversion qu'en aient les mécréants. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Dieu est celui qui est élevé au plus haut rang. Seigneur du trône, il envoie par son ordre l'esprit sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin que ce dernier avertisse les gens du jour de la rencontre, jour où les morts surgiront tous de terre et où rien d'eux ne sera caché à Dieu. À qui appartiendra en ce jour le pouvoir suprême? À Dieu, l'unique, le tout-puissant. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et nulle injustice ne sera commise. Certes, Dieu est prompt à régler les comptes. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Et mets-les en garde contre le jour qui approche, quand le cœur à la gorge, ils s'étrangleront d'angoisse. Les injustes n'auront alors ni alliés ni intercesseurs influents. Dieu décèle parfaitement ce que trahissent les regards, tout comme ce que recèlent les poitrines. Et Dieu juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne peuvent rien juger. Certes, Dieu est celui qui voit tout et entend tout. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant bien plus forts qu'eux. Et ont laissé sur terre bien plus de vestiges. Dieu les châtia pour leurs péchés, et ils n'avaient absolument rien pour les préserver de Dieu. Cela parce qu'ils refusaient de croire aux preuves apportées par leurs messagers. Alors Dieu les a saisis, car il est fort et sévère en punition. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Et nous avons envoyé Moïse chez Pharaon, Aman et Corée, avec nos signes et une autorité certaine. Mais ils dirent, « Tu n'es qu'un sorcier, un menteur. » Et quand il leur eut apporté la vérité de notre part, ils dirent, « Tuez les fils de ceux qui croient avec lui et épargnez leurs filles. » Mais les complots des mécréants seront toujours vains. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse, et qu'il invoque donc son Seigneur s'il le veut. Je crains qu'il n'altère votre religion, ou qu'il ne sème le désordre dans ce pays. Mais Moïse répliqua, je cherche refuge auprès de mon Seigneur et le vôtre, contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du règlement des comptes. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Et un homme de la famille de Pharaon, qui était croyant, sans le déclarer ouvertement, dit, « Allez-vous tuer un homme parce qu'il dit, « Mon Seigneur est Dieu, alors qu'il vous a apporté des preuves claires émanant de votre Seigneur. S'il ment, il ne ment qu'à son détriment, et s'il dit la vérité, alors une partie de ce dont il vous menace vous frappera certainement. Certes, Dieu ne guide point celui qui commet des excès et qui ment. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Ô mon peuple, vous détenez la royauté aujourd'hui, le pays tout entier vous est soumis. Mais qui nous sauvera de la colère de Dieu si elle nous atteint ? Pharaon dit, je vous propose la meilleure solution à mon sens, et je ne cherche qu'à vous guider sur la bonne voie. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Celui qui était croyant poursuivi, ô mon peuple, certes, je crains pour vous un sort semblable à celui que subirent les coalisés, un sort tel qu'ont subi les peuples de Noé, des Had, des Samoud et ceux qui vécurent après eux. Dieu ne veut jamais faire subir aucune injustice à ses serviteurs. Ô mon peuple, certes, je crains pour vous le jour de la convocation, le jour où vous ferez demi-tour pour fuir, n'ayant contre Dieu aucun défenseur. Et quiconque Dieu laisse s'égarer, nul ne saurait le guider. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Par le passé, Joseph vous a apporté des preuves évidentes, et pourtant, vous n'avez jamais cessé d'avoir des doutes à leur sujet. Puis lorsqu'il est mort, vous avez dit, Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui. Ainsi Dieu laisse s'égarer celui qui commet des excès et celui qui est rempli de doutes. Ceux qui controversent au sujet des signes de Dieu, sans justification pour les soutenir, c'est une abomination au regard de Dieu et des croyants. Ainsi, Dieu scelle-t-il le cœur de tout transgresseur arrogant et obstiné. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Alors Pharaon dit, ô Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux. Et peut-être apercevrai-je le Dieu de Moïse, bien que je considère celui-ci comme un menteur. C'est ainsi que la mauvaise action de Pharaon lui parut enjolivée, et il fut détourné du droit chemin, et son stratagème se solda par sa propre ruine. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Et celui qui croyait dit: Ô mon peuple, suivez-moi, je vous montrerai la bonne voie à suivre. Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire. Seul l'au-delà est la demeure éternelle. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil, tandis que quiconque, homme ou femme, fait une bonne action, tout en étant croyant, entrera au paradis pour y recevoir sa subsistance à profusion. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن Ô mon peuple, mais qu'ai-je à vous inviter au salut? Alors que vous, vous m'invitez au feu. Vous me conviez à renier Dieu et à lui donner des associés que je ne connais nullement, tandis que je vous convie à aller vers le Tout-Puissant, le Pardonneur. Nul doute que ce à quoi vous m'invitez ne peut exaucer aucun vœu, ni dans ce monde ni dans l'au-delà. C'est vers Dieu que nous retournerons, et les transgresseurs seront les habitants du feu. Vous vous souviendrez un jour de mes paroles. Quant à moi, je remets mon sort entre les mains de Dieu. Certes, Dieu observe parfaitement ses serviteurs. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Dieu préserva ce croyant du mal qu'ils avaient comploté contre lui, tandis qu'un terrible châtiment cerna les gens de Pharaon. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: Faites entrer les gens de Pharaon dans la partie la plus atroce du châtiment. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. قال الذين استكبروا إنا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui auront été orgueilleux, nous vous avons suivis, que ne pouvez-vous maintenant écarter de nous une partie du châtiment du feu ? Mais les autres répondront, en vérité, nous y voilà tous. Dieu a rendu son jugement entre ses serviteurs. Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, implorez votre Seigneur de nous écourter fût-ce d'un jour notre tourment. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Mais ils répondront, des messagers ne vous sont-ils pas venus avec des preuves évidentes ? Oui, diront-ils. Alors priez, rétorqueront-ils, bien que les prières des mécréants soient toujours vaines. Assurément, nous donnerons victoire à nos messagers et à ceux qui ont cru à la vie ici-bas, et le jour où se dresseront les témoins, les anges gardiens, le jour où leurs excuses ne serviront à rien aux injustes, tandis qu'il n'y aura plus pour eux que de la malédiction et la pire demeure qui soit. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Et nous avons vraiment donné à Moïse un livre, comme guide, et fait hériter aux enfants d'Israël l'écriture, afin qu'elle soit un guide et un rappel pour les gens doués d'intelligence. Sois donc patient. Certes, la promesse de Dieu est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre les louanges de ton Seigneur, soir et matin. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ceux qui se disputent au sujet des signes de Dieu, sans qu'aucune preuve ne leur soit parvenue, n'ont rien d'autre dans le cœur qu'une ambition démesurée qu'ils ne sauraient atteindre. Cherche donc refuge en Dieu, car lui seul entend tout et voit tout. La création de l'humanité est bien peu de choses comparée à celle des cieux et de la terre, mais la plupart des gens ne savent pas. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux, et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. Vous réfléchissez bien peu. En vérité, l'heure va arriver, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la plupart des gens n'y croient pas. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Et votre Seigneur dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. C'est Dieu qui vous a assigné la nuit pour que vous vous y reposiez et le jour pour que vous puissiez y voir clair. Certes, Dieu est plein de grâce et de générosité envers les hommes, mais la plupart des hommes ne sont point reconnaissants. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Tel est Dieu votre Seigneur et Créateur de toutes choses. Nul Dieu autre que lui. Comment se fait-il, alors, que vous vous détourniez de la vérité? C'est ainsi que se détournent de la vérité ceux qui nient les signes de Dieu. Allah, الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. C'est Dieu qui vous a assigné la terre comme gîte et le ciel comme toit, et c'est lui encore qui vous a modelé et qui vous a donné des formes parfaites. Et il vous a procuré d'excellents aliments. Tel est Dieu votre Seigneur. Béni soit Dieu, le Seigneur des univers. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Il est le vivant, nul Dieu autre que lui. Alors priez-le et vouez-lui un culte exclusif. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors de Dieu. Des preuves certaines m'étant parvenues de mon Seigneur, et il m'a été commandé de me soumettre, en musulman, au Seigneur des mondes. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. C'est lui qui vous a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot de sang. Et il vous a fait sortir petit enfant, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité, avant de devenir vieux. Bien que certains parmi vous meurent plus tôt, et vous atteindrez tous un terme qui a déjà été fixé pour vous, peut-être comprendrez-vous. C'est lui qui donne la vie et la mort, et quand il décide une chose, il n'a qu'à dire « soit » et elle est aussitôt. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. Ne vois-tu pas ceux qui se disputent au sujet de Dieu, comme ils se détournent de la vérité? Ceux qui démentent le livre et le messager transmis par nos envoyés, eh bien, ils vont savoir. Quant aux coups, les carcans et les chaînes, ils seront entraînés dans la fournaise ardente, puis ils iront brûler dans le feu. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Puis on leur dit, où sont ceux que vous adoriez comme associés? En dehors de Dieu, ils dirent, ils se sont égarés de nous, ou plutôt nous n'invoquions rien du tout auparavant. C'est ainsi que Dieu égare les mécréants. Tout cela pour vous être réjouis sur terre sans droit et pour la jubilation insolente que vous affichiez. Franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Quelle mauvaise demeure que celle des orgueilleux. Fasbir inna wa'dallahi haqq. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Patiente. Certes, la promesse de Dieu est vérité, et que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant, c'est de toute façon vers nous qu'ils seront ramenés. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi, il en est certains dont nous t'avons raconté l'histoire, et d'autres dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et il n'a été donné à aucun messager de produire un signe, autrement que par la permission de Dieu. Et lorsque s'accomplira le commandement de Dieu, tout sera jugé en toute équité, et c'est là que les tenants du faux seront perdus à tout jamais. Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ C'est Dieu qui vous a assigné les bestiaux pour que vous les montiez et en mangiez. Vous en tirez aussi maints avantages, et il vous aide à accomplir des choses nécessaires qui vous tiennent à cœur. Au même titre que les vaisseaux, ils servent à vous transporter. Dieu vous montre clairement ses signes. Lequel de ces signes de Dieu niez-vous donc ? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant bien plus nombreux et bien plus puissants qu'eux, et avaient laissé sur terre beaucoup de vestiges, mais ce qu'ils avaient acquis ne leur servit à rien. Lorsque leurs messagers leur apportaient des preuves claires, ils exultaient des connaissances qu'ils possédaient eux-mêmes, mais ce dont ils se moquaient les enveloppa soudain. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ Et quand ils virent notre châtiment, ils dirent « Nous croyons uniquement en Dieu et nous renions tous ceux que nous lui donnions comme associés. » Mais leur foi, au moment où ils venaient de voir notre châtiment, ne leur servit à rien. Telle est la règle de Dieu, déjà appliquée à ses serviteurs. À ce moment-là, périrent les négateurs.